Bouffe sous le bordes. Bouffe sous Bordas. Le bordes. En mode pourcentage. Pourcentage. Bordas revient, faire une étude syncopée. Dans tes écouteurs. On a peur de rien comme des vauriens. Calculette à la main, on fait des calculs. Mais on se fait pas de billes comme Boule et Bill. Trop de la balle. Bouge ton boule sur le bordas. Bouge ton boule sur le bordas. Bouge ton boule sur le bordas. C'est des as, avec leur logarithme des périens, leur sinus, leur cosinus, leur tangente, et j'en passe, ils intègrent, ils dérivent. Ils suivent le flot de la scène, le flot des notes, le flot des calculs, le flot des chiffres. Bordas des chiffres. Ton anus horribilis. En mode bonhomme, en mode calculette, avec un mouillé. Bordas calcul, bordas. Bouge ton boule sur le bordas. Bouge ton boule. Bouge ton body mec, bouge ton body. Vas-y, c'est funky. Bouge ton body. Tu te crois funky mec. T'es même pas funky mec. Alors que Bordas, avec sa calculette, il arrive à diviser par zéro. Bordas. Enfin par zéro plus. Parce que par zéro tout court, il sait pas faire quand même. C'est pas un magicien, c'est un mathématicien. Bouge ton boule sur le bordas. Bouge ton boule. Écoute bien, ouvre bien tes oreilles. Car bordas te fait un cadeau. Il est allé le chercher loin là-bas dans l'espace. Il a ramené dans sa fusée spatiale. C'est un pourcentage. Tu le trouveras nulle part ailleurs. Vas-y, t'es prêt? Ça commence par moins. C'est moins 73,244%.